One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Frères et sœurs en islam, on continue toujours avec le tafsir de sourate An-Najm à partir de l'ayah numéro 22. Donc Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala à propos du partage que les mushrikines ils faisaient en attribuant Allah Azza wa Jal des filles en prétendant ta'ala Allahu an dhalik que les anges étaient les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tilka idhan qismatun dhiza, que ça c'est un partage qui est injuste. Mais ici le mot dhiza, écoutez bien ça. De un, les ulama ils disent idhan harfu jawabin urida bihi jawab al-istifham al-inkari ay tarattab ala ma za'amtum anna dhalika qismatun dhiza. Le mot idhan ici qui est ajouté, Allah Azza wa Jal n'a pas dit tilka qismatun dhiza, ça c'est un partage qui est injuste. Ça c'est alors en conséquence, le mot idhan ici c'est pour mettre le blâme sur ce que tu viens de dire. C'est la conséquence. Voilà ce que ça mène vers. De deux, le mot diza, écoutez ce que les ulama ils disent. Ils disent wa hiya lafdhatun ghariba min aghrab ma fi al-Qur'an. Ils disent que le mot diza, c'est un mot qui est gharib. Qui peut nous dire c'est quoi le sens de gharib? Étranger, OK? Donc, on a une science. Parmi les sciences du Coran, il y a une science qui s'appelle Gharib al-Qur'an. Il y a des savants qui ont écrit des livres sur ça, sur Gharib al-Qur'an. C'est quoi Gharib? Gharib, c'est les mots qui ne sont pas très communs dans la langue arabe. Donc, dans le Coran, il y a des mots comme An-Najm, l'étoile, Shams, le soleil. C'est n'importe quel arabe est capable de comprendre ça. Mais il y a des mots qui sont rare dans la langue arabe, que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui les comprend. On appelle ça les gharibs. Alors, ils disent les ulama que le mot dhiza, ils disent min aghrabi ma fil Qur'an. L'un des mots les plus gharibs dans le Qur'an. Ça veut dire, ça prend beaucoup de connaissances pour que quelqu'un comprenne c'est quoi le sens de dhiza dans la langue arabe. Alors, il dit ici, وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ حُسْنَهَا فِي نَظْمِ الْكَلَامِ مِنْ أَغْرَبِ الْحُسْنِ وَأَعْجَبِهِ فَهِيَ لَفْظَةٌ فِي مَوْضِعِهَا لَا يَسُدُّ غَيْرُهَا مَسَدَّهَا فَسُورَةُ النَّجْمِ كُلُّهَا مَسْجُوعَةٌ عَلَى حَرْفِ الْيَاءِ اللَّيِّنَ. De un, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dhiza? Pourquoi ce mot en particulier? Parce que regardez ici, Sourate An-Najm, comment les ayats se terminent habituellement? وَالنَّجْمِ إِذَا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا. C'est, il y a une ya qui descend comme dans une qira'a dans ma ضل صاحبكم وما غوي. Donc ici wa huwa bil ufuqi al a'la. Donc cette aya qu'on est en train d'entendre maintenant, ça se termine par quoi? Qismatun di za. Ça sonne de la même façon. Ça c'est de 1. Numéro 2, il dit ici: فلما ذكر الأصنام وقسمة الأولاد وما يزعم وما يزعمه الكفر. Il dit وأما من ناحية المعنى. Donc de 1 c'est le sens, le temps en quelque sorte. De 2 maintenant le sens, écoutez c'est intéressant. أما من ناحية المعنى فإنها في معرض الإنكار على العرب المشركين إذ وردت في ذكر الأصنام فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملائمة لغرابة هذه القسمة التي ankaraha alayhim. Vu que ce qu'il vient de prétendre à propos d'Allah Azza wa Jal, c'est tellement étrange, tellement bizarre, Allah subhanahu wa ta'ala a exprimé ça avec un mot qui est très étrange. Vous prétendez que Allah subhanahu wa ta'ala il a des filles et que les malaïka, les anges sont les filles d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est tellement étrange. Que Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Qismatun dhiza. Allah Azza wa Jal, il a mis un mot ici qui est même étrange pour plusieurs parmi eux. Pour exprimer l'étrangeté de ce qu'ils viennent de dire. C'est clair ici le sens? Après ça, la ayah numéro 23, Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala, « In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allahu biha min sultan. » إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Donc là, la ayah numéro 23, c'est parmi les ayats un peu plus longues dans Sourate An-Najm. La plupart des ayats, c'est des ayats qui sont courtes. Voilà une ayah qui est plus longue, dans laquelle il y a des détails un peu même, voyons, même, on peut même dire qu'il y a des fondements ici de la législation. Donc dans cette ayah, Inch'Allah, on va avoir beaucoup de d'enseignements et de principes très très importants. Alors il dit in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Il ne s'agit en fait que d'appellations. C'est qui Lat, Al-Uzza, Manat, ça vient de où ça? Qui a dit que ça c'est des divinités? Qui a dit que tout ça c'est réel? C'est du n'importe quoi. Allah Azza wa Jalla, il leur dit in hiya illa asma'un. Il ne s'agit que d'appellations. Sammaytumuha, que vous avez inventé, vous avez décidé de ces appellations, antum wa aba'ukum. Vous et vos ancêtres avant vous. C'est une fabrication. C'est une religion qui est inventée par des êtres humains, par vous et vos ancêtres. Allah Ta'ala n'a pas révélé ça. Ma anzalallahu biha min sultan. Et après ça, Allah Azza wa Jalla, il nous explique, ces gens-là, ils se fient à quoi exactement? Ce qu'on va couvrir dans un moment, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma anzalallahu biha min hujjatin wa la burhan. Iyattabi'una illa al-dhan. Ils ne font que suivre le dhan. C'est quoi al-dhan? Conjecture. Ici, c'est dans le sens de al-wahm. C'est du n'importe quoi. Tu suis du n'importe quoi. On va dire à quelqu'un, tu es en train de suivre du n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose qui est fondé. On va revenir sur le sens de Adhan dans un petit moment. Inch'Allah, c'est très important parce que ça revient beaucoup dans Al-Qur'an Al-Karim. أي ما يتبع المشركون في عبادتهم تلك الأصنام إلا الظن وما تميل إليه أنفسهم من الباطل ولقد جاء أولئك المشركين الهدى من ربهم. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit, c'est quoi, quand on dit à quelqu'un, c'est quoi ta référence? D'où est-ce que tu as amené ça? Ces gens-là, c'est quoi leur référence? Allah Azza wa Jal, il dit « Iyattabi'una illa al-dhanna » La conjecture, comme tu as dit. « Wa ma tahwa al-anfus » Rappelez-nous, c'était quoi le hawa? On a parlé de l'hawa l'autre fois. Les passions. Et Allah Ta'ala, au début de cette ayah, il nous parle de oui, il y avait la descente de l'étoile, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, la descente. Et on avait dit que سُمِّيَ الْهَوَى, هَوَى لِأَنَّهُ يَهْوَى بِصَاحِبِهِ. Certains savants, ils ont dit que les passions en islam, ça s'appelle الْهَوَى parce que ça fait descendre la personne, ça rabaisse la personne. Et Allah Ta'ala, il a nié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de son هَوَى. Donc, c'est quoi la source du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la religion qu'il prône alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas le hawa, ce n'est pas la passion. Mais eux, ils ne suivent que al-dhan wa ma tahwa al-anfus, le hawa. Quelle est la différence entre les deux? Et comment les deux ici vont agir ensemble, le dhan avec le hawa? Donc, on essaie de suivre ce qui fait plaisir à notre cœur. Donc ça c'est quoi? C'est le hawa. Alors, quel est le rôle du dhan? Pour le justifier avec n'importe quoi. Parce que rares sont les gens qui vont faire quelque chose, surtout si la chose elle est grande, elle, c'est parfois si c'est quelque chose de petit, de mineur, quelqu'un va dire « je fais ça parce que j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'aller faire une marche à l'extérieur. Ça me passionne, c'est tout. » Mais si c'est quelque chose de sérieux, quelque chose qui implique le droit des autres, ou des conflits, ou un mode de vie en général, là, les gens vont te poser des questions. Mais tu te fondes sur quoi? Pourquoi? Quelle est ta justification? Là, il faut trouver une justification. La justification, ça va être des idées qui sont fondées sur le Van. Oui, Akhi. Le quoi? C'est avec un point? C'est avec un... Non, ça c'est une shadda. Vannun. Vannun. Rappelez-vous toujours, quand il y a shadda, ça veut dire c'est comme le double, la lettre qui est doublée. C'est plus fort. Donc Allah Azza wa Jal, il dit que ces gens-là ne suivent que le hawa et le dhan, alors que وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى. La guidée, elle aurait parvenu de leur Seigneur. La guidée, elle est devant eux. Al-Huda, ici, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas de référence. On est perdu, on ne sait pas quoi faire, on va juste se fier à Hawa et à Dhan. Allah ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est là, il vous invite vers la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. لما ذكر الله تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا لما قرر رسالة أولا وأتبعه من ذكر عظمة الله وقدرته الباهرة بذكر التوحيد والمنع عن الاشتراك بالله تعالى وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان وأنها ليست لها قدرة وأيضا لما قرر الرسالة ذكر ما ينبغي أن يبتدئ به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك. Donc là, vu que la sourate elle a commencé comme on a mentionné au début par le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus quoi, la risala, la prophétie, le message du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est Islam, c'est ça. Islam, ça commence par ces deux fondements-là. Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ainsi que le message. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première partie, c'est le tawhid, monothéisme. Deuxième partie, c'est ar-risala. S'il y a l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas, l'islam. Vous êtes d'accord? Donc, Allah Ta'ala, après ça, il leur parle maintenant vos divinités. C'est du n'importe quoi, comme on a mentionné. Lat, ul-Uzza, Manat, Thalitha, al-Ukhra. Et en même temps, vous ne suivez pas ar-Risala, le message du prophète. Ce que vous suivez à la place, c'est vos passions et c'est ça votre religion. C'est ça votre prophète. Mon cœur, j'ai le goût. Je me sens à l'aise à faire ça. Pourquoi? Parce que... Regarde, on n'est pas si propre que ça. Pour se rapprocher d'Allah Ta'ala, on ne peut pas le faire directement. Il faut parler à une pierre qui, elle, va parler à Allah Azza wa Jal. Ça c'est quoi? Ça c'est? Adhan. Donc j'ai le goût moi, quelqu'un va dire, a'udhu billah, de prier cet arbre, de l'invoquer cet arbre, de me prosterner devant cet arbre. Ça j'ai le goût, ça c'est le hawa. Surtout que je voyais mes parents qui faisaient ça et il y a un certain sentiment très spécial. Ça, c'est le hawa. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Là, il faut trouver, alhamdoukallah, là, il faut trouver une réponse. Réfléchis, réfléchis. Parce que cette tombe ou autre chose, ça me rapproche d'Allah. C'est quelque chose de très spécial auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quoi? C'est le dhan. ما أنزل الله بها من سلطان أي هي أسماء لا معاني تحتها ولا حقيقة لها إنما اخترعتموها أنتم وآباؤكم وزعمتم أنها آلهة وادعيتم أنها بنات لله سبحانه وتعالى. Donc ما أنزل الله بها من سلطان, il dit c'est quoi? Que ça c'est des appellations qui sont sans vérité, لا حقيقة لها, c'est vide à l'intérieur. Vous dites que ça c'est des divinités, Lat, l'Uzza, Manat, mais à l'intérieur c'est vide. Il ne s'agit que de noms. C'est du folklore. Vous comprenez? Si donc, ça c'est quelque chose de très très important ici. Hein? Alors Allah Azza wa Jal, il dit subhanahu wa ta'ala, comme dans d'autres ayats qui se rapprochent du même sens ici, dans Sourate Al-Hajj, ayat numéro 71. Allah Azza wa Jal, il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم وما للظالمين من نصير. Allah Ta'ala dit que les mouchriquins, ça c'est dans sourate Al-Hajj, sourate pèlerinage, ils adorent à part Allah Azza wa Jal ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas révélé de preuve. Il n'y a pas de révélation. Pourquoi tu adores ça? Normalement, pour adorer quelque chose avec Allah Azza wa Jal, si c'était possible, parce que Allah il dit ça dans le Coran Karim, قُلْ إِنْ كَانَ لِلْرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. Dis, si Allah il a un enfant, je vais être le premier à l'adorer. Ça veut dire, si vous prouvez, ça c'est babi quoi? Tanazzul. Ça c'est le débat. Prouvez, si c'est prouvé que Allah Ta'ala il a un enfant, je vais être le premier à l'adorer. Mais Allah Azza wa Jalla n'a pas d'enfant. Ta'ala Allahu an dhalik. Donc là, ils adorent d'autres divinités avec Allah Azza wa Jalla. Ma lam yunazzil bihi sultanan. Allah Ta'ala n'a pas révélé de preuve là-dessus. C'est pas dans la révélation. Wa ma laysa lahum bihi ilm. Ils n'ont aucun ilm, connaissance certaine là-dessus. S'il n'y a pas de ilm, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le dhan. Conjecture. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala am lakum sultanun mubin fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Ça c'est dans sourate As-Saffat. Encore une fois, ça parle du fait qu'ils attribuent à Allah Azza wa Jalla des filles, qu'ils disaient que les anges c'est les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla il dit que am lakum sultanun mubin, est-ce que vous avez un sultan? Quel est le sens du mot sultan? C'est quoi sultan? Ça vous rappelle quoi même en français? Donc le sultan, dit le sultan. C'est quoi sultan? C'est un dirigeant, c'est un gouverneur, celui qui règne. Un sultan dans la langue arabe, c'est quelque chose qui a le dessus. Et les ulama, ils disent al-hujja, la preuve, une preuve évidente dans la langue arabe et dans le Coran, ça s'appelle quoi? Un sultan. Pourquoi? Parce que celui qui a la preuve, il devient contraignant. C'est lui qui maîtrise. Je l'ai prouvé, on va suivre la preuve. C'est la preuve, l'évidence claire qui doit toujours régner parce que c'est al-haq. Alors Allah Azza wa Jalla, il dit subhanahu wa ta'ala fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin. Si vous avez une preuve qui vient d'Allah Azza wa Jalla, alors amenez-la. Sortez. Est-ce qu'il y a un livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les livres antérieurs que Allah Azza wa Jalla il a révélé? Bien sûr, ils n'ont aucun de cela. Donc ça, on a déjà mentionné. لِأَنَّ عَالَمَ الْغَيْبِ لَا طَرِيقَ إِلَى مَا يَحْتَوِيهِ. Encore une fois, ici, أَمَّا لِكَوْنِهَا لَا حَقَائِقَ لَهَا فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ أَمْرٌ مَحْسُوسٌ. Donc là, on peut prouver que ces divinités-là sont des fausses divinités dans les deux cas, que ce soit عالم الغيب. C'est quoi عالم الغيب? Qui nous rappelle, c'est quoi? Ghaib. Ghaibun. C'est l'invisible. Le monde de l'invisible. Comme lorsqu'on parle des anges, des malaïka alayhi salam, c'est le monde de l'invisible. C'est quoi le contraire de alam al-ghaib? Le contraire de l'ghaib, c'est quoi? Shahada. Très, très facile à retenir. Shahada, tout comme la shahadaté. Ok? Pourquoi il s'appelle Alam Shahada? Parce que Shahada, ça vient du témoignage. Le contraire du monde de l'invisible, c'est le monde visible, c'est le monde dont on peut être témoin. Je peux dire, je l'ai vu, je l'ai entendu, je peux témoigner de cela. Le Ghaib, je ne peux pas prétendre témoigner de cela. De ce fait, j'ai besoin qu'un témoignage me vienne d'une autre façon. Donc, ces pierres n'ont pas de fondement ni dans le ghaib, pas de révélation. Où se trouve la révélation? Est-ce qu'Allah Ta'ala il a dit que ces pierres-là sont sacrées ou que les anges sont les filles d'Allah Azza wa Jalla? Il n'a pas dit ça, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dans le monde de Ash-Shahada, ce qu'on voit devant nous, ces pierres ne bougent pas, elles ne font rien, elles ne peuvent pas te défendre, elles ne peuvent même pas se défendre. On l'a dit tout à l'heure, les mouchriquins de l'Jahiliyyah pouvaient tout simplement manger leurs propres pierres. Ils devaient eux-mêmes défendre leurs pierres, préserver, garder leurs pierres. De ce fait, selon la shahada, ce qu'on voit devant nous, ça ne peut pas être dit divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a aucune valeur. Ce n'est que des noms. Quelqu'un prend une pierre, il dit, ça c'est un dieu. il vient de définir que c'est lui qui a décidé que ça c'est un dieu. C'est clair? Taïb. Adhan maintenant, parlons un peu de Adhan. On va sortir un peu du contexte de shirk, on va parler un peu de al-istidlal, les preuves, les références dans la religion. Ça, c'est un point important. Alors, le mot adhan, il prend plusieurs significations dans la langue arabe ainsi que dans le Coran. Le mot « dhan » peut faire référence à quelque chose qui n'a aucun fondement. Ça peut faire référence à quelque chose, une croyance qui n'a aucun fondement. Et c'est ça le « dhan » qui est remis en question dans le Coran, comme ici. Le mot « dhan » peut faire référence à la certitude, le contraire. Donc, on voit ici comment est-ce que dans la langue arabe, le même mot peut faire référence à plusieurs sens, selon le contexte. Ça, c'est juste la nature de la langue arabe. Oui, Akhi. Oui, donc le premier sens de Adhan, c'est quelque chose qui n'a aucun fondement, comme ce qu'on vient de mentionner ici. Ce qui est cité dans Sourate An-Najm, c'est le Adhan qui n'a aucun fondement. Le deuxième sens de adhan, c'est complètement le contraire. Le mot adhan vient avec le sens de la certitude. Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ceux qui sont certains qu'ils vont rencontrer Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, il mentionne ça à propos des croyants. Yadhunnuna. Ils ont le dhan ici dans le sens de al-yaqin, la certitude. Wa dhannu ma lahum min mahis. Allah Ta'ala il dit à propos des gens de l'enfer, le jour ils vont voir l'enfer devant eux, dhannu, ils vont avoir la certitude qu'il n'y a plus maintenant d'issue, ils ne peuvent pas échapper à cela. Il y a un troisième sens du mot adhan qui est beaucoup utilisé par les savants de la jurisprudence. Et là, le dhan ici fait référence à Afwan. Là, ça fait sens ici à dhan al-ghalib. Ça veut dire regardez. On a soit la certitude. C'est quoi la certitude? C'est quel pourcentage la certitude? C'est le 100%. On est quel jour aujourd'hui? Samedi. Tu es sûr? 100%. Yaqin. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça c'est un 100%. Le dhan qui est faible, qui n'a aucun fondement, là, ça se rapproche du 0%. Ça pourrait monter un peu, ça peut être du 10%, du 20%. Et c'est ça même, ça peut être le dhan du 30%, comme ça, par exemple. Et c'est ça le dhan à propos duquel Allah Azza wa Jalla, il dit « Ya ayyuha alladhina amanu, ijtanibu kathiran mina » الظن إن بعض الظن إثم. Ici Allah Ta'ala nous dit d'éviter de suivre le dhan. Ici le dhan il vient dans le sens du simple soupçon. Quelqu'un que je connais, il est passé devant moi, il ne m'a pas dit assalamu alaikum aujourd'hui. Il se peut. Peut-être il y a 5% de possibilités comme ça qu'il ne m'aime plus, qu'il a un problème avec moi, qu'il me veut du mal, qu'il est jaloux de moi, peu importe. Mais est-ce que j'ai une preuve évidente sur ça? Non. Habitude toujours, il dit salam alaykoum, très respectueux. Aujourd'hui, il n'a pas dit salam alaykoum. Mais peut-être aussi, il ne m'a juste pas remarqué. Peut-être il était tellement consommé dans ses idées, il a un problème, je ne sais pas quoi. Alors dans cette situation, Allah Azza wa Jalla, il dit « Ijtaribu kathiran min adhan, inna ba'd adhani ithmun » que ça c'est du soupçon mais qui n'est pas fondé sur quelque chose de solide. Je pense, peut-être, mais c'est rien de bien solide. Et lui, on ne doit pas le suivre. Après ça, quand on arrive à un 50%, 50%. Ici, on appelle ça quoi? Si on se rapproche du 50-50 entre deux options, par exemple, c'est ça qu'on appelle ça le shak. Shak, c'est le doute. Ça, je suis stuck, pris entre deux possibilités ou trois possibilités, quatre. Et je n'ai pas de muradjih. Je n'ai rien qui peut mettre quelque chose sur la balance. Si on va mettre quelqu'un, encore une fois, on va le mettre dans une chambre fermée, complètement noire. On le garde pendant des heures. 48 heures, 36 heures, 35, 2 jours. Une semaine passe. Après ça, de façon soudaine, aléatoire, on va lui dire, il est quelle heure maintenant? Il n'a aucune idée. N'importe quelle réponse qu'il va donner, ce sera du shak. Parce que c'est une réponse qui a possibilité égale à toutes les autres réponses. Il ne sait même pas s'il est 5h PM ou 5h AM, matin, soir, nuit. Il n'a aucune idée. Parce que tout est égal devant lui. Donc n'importe quelle réponse, le mieux qu'il peut faire, c'est atteindre un certain shak ici. Il y avait une question ? Le mot, c'est shak, ashakku. On dit yashukku. Maintenant, là où ça devient très intéressant, comme on a dit, lorsque ça dépasse le 50%, mais que ça n'arrive pas au 100%. Si je veux donner, excusez-moi, un exemple meilleur ici pour ashak, lorsqu'on dit... Est-ce qu'on se dirige vers la direction est ou la direction ouest? Il y a soit est ou ouest, deux possibilités. Et je n'ai pas de boussole, je n'ai aucun élément sur lequel je peux fonder ma réponse. Donc là, n'importe quelle réponse que je vais donner, ça serait du 50%. C'est deux choses à part égale. Mais le moment où ça dépasse et qu'on se rapproche du 100%, mais on n'est pas au 100%. C'est là qu'on appelle aussi quoi? Le van. Et ça vient beaucoup dans les paroles des juristes, des fuqaha de l'islam. Et là, est-ce que selon vous, ce van, il est bon ou non? Oui. Ça, c'est très important à comprendre. Que ce van-là, le van qui est quasi-certitude, proche de la certitude, mais qui n'a pas atteint la certitude. Ce van est une référence dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. C'est quelque chose de fondé. Même qu'une grande partie des ahkams, des pratiques, des connaissances de l'islam sont fondées sur al-dhan. Et Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbada nabi al-dhan. Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous de faire al-dhan. Lorsque tu vas acheter la viande halal, tu veux manger halal, est-ce que c'est nécessaire de toujours avoir la certitude 100% que la viande elle est halal? Non, parce que si tel était le cas, c'est pas mal la seule possibilité pour avoir la 100% certitude, c'est que ce soit toi directement qui va sacrifier l'animal et tu dois garder ton œil sur cet animal même après qu'il soit sacrifié sur la viande pour que t'assurer qu'il n'y a rien qui est modifié, à personne qui a introduit quelque chose. Ça, c'est la seule façon pour atteindre la certitude. Allah Azza wa Jal ta'abbadana bi al-dhan. Si on est pas mal à l'aise que c'est halal, ça c'est un muslim, il dit que c'est lui qui a sacrifié et présente, ça c'est quasi certitude. La même chose pour la qibla par exemple. La qibla, oui aujourd'hui on a la technologie et ainsi de suite, mais si on n'avait pas toute cette technologie là, comment est-ce qu'on connaît la qibla? Parfois c'est en regardant dans les directions, techniques de navigation et tout, mais ce n'est pas toujours du certains à 100%. La même chose ici pour l'entrée des heures de la salat, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples, même dans l'authentification des hadiths et ainsi de suite. Donc, c'est basé sur le van, le quasi-certitude, c'est clair. Donc, le van qui est quasi-certitude, on le suit. Mais le van que Allah Azza wa Jal il reproche à ces gens-là de suivre, c'est le van qui n'est fondé sur rien du tout, sur aucune connaissance. Et c'est pour ça qu'il dit ici, les ulama, al-dhannu alladhi la yu'lamu rujhanuhu la yajuzu ittiba'uhu. Le van qui n'a pas de poids sur la balance, qui ne fait pas le poids par rapport à l'autre, il n'y a pas de tarjih. C'est quoi le tarjih? Tarjih, c'est ce qui ajoute du poids, va mettre deux choses dans la balance. S'il y a un côté de la balance qui l'emporte, ça c'est, on appelle ça quoi? Rajih. C'est le plus fort. C'est pour ça on dit parfois qawlu ar-rajih, l'opinion la plus forte. Les ulama, ils utilisent beaucoup ça. C'est quoi l'opinion la plus forte? Parce qu'elle a tellement d'éléments qui sont avec elle que ça fait en sorte que c'est plus fort que l'autre opinion. Donc, mais si le dhan n'a pas de rajih, je n'ai pas le droit de le suivre. Je demande à un cheikh, cheikh, telle chose est halal ou haram? Il dit c'est halal. Je demande à un cheikh, cheikh, ça c'est halal ou c'est haram? C'est haram. Ok. Il y a quelqu'un qui dit haram, l'autre il dit halal, je vais prendre celui qui a dit halal. Pourquoi? En me basant sur quoi exactement? J'ai le goût. Ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Vous comprenez? Là, il faut que j'aille chercher plus jusqu'à ce que je puisse avoir un dhan qui est rajih. Par quoi pourrait être le dhan rajih ici? Par exemple, donc soit que ce soit comme le frère il dit par les adillah, par les preuves, il y a quelqu'un qui a, si quelqu'un a montré les preuves et que l'autre n'a pas de preuves, là c'est clair. Mais parfois, je n'ai pas les évidences, je n'arrive pas à comprendre les preuves. Mais si je vois que l'un des deux se distingue, soit par sa science, ou je ne connais pas comment comparer la science, les deux ont l'air de s'y connaître autant, mais il y a l'un qui a l'air de se distinguer beaucoup plus que l'autre dans sa piété, dans sa foi, dans sa pratique, dans sa, son intégrité, ainsi de suite. Ça peut être un murajjih, c'est clair, qui va, encore une fois, qui va donner du poids pour le dhan ici. Ça ne devient pas 50%, 50% et je me permets de choisir selon le hawa, mes passions. Ça, ça ne fonctionne pas. Ok. Là, c'est un peu différent. Là, c'est quoi? C'est que l'idée pour ce qui est du wudu. Donc, la sœur, elle dit, si quelqu'un doute, est-ce que la personne a perdu son wudu ou elle n'a pas perdu son wudu? Là, on est dans le shak. Est-ce que le shak qui est 50%, 50%? Quelqu'un, ça c'est un autre très bon exemple de shak dans la pratique de l'islam. Il a perdu son wudu ou il n'a pas perdu son wudu. Et il n'a aucune idée. Vraiment, tu dis, pense, j'ai aucune idée. Là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le shak a une validité dans l'islam? Le doute. Le doute, 50-50%. Est-ce qu'il a du poids en islam? On a dit que non. Si ça ne se rapproche pas du... Bien sûr, ici, je suis en train de simplifier les choses, ok? Nos sentiments, ce n'est pas 50%, 51%, c'est soit encore une fois ce choc ou ça monte, ça se rapproche de la certitude. Donc si c'est du 50-50, ça c'est du doute. Le doute égale zéro dans l'islam, ça ne vaut rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'effacer de mon esprit, ce doute-là. Toute cette pensée, je vais l'effacer. Elle n'existe même pas cette question de est-ce que j'ai perdu l'ourdo ou je n'ai pas perdu l'ourdo. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste l'événement antérieur. On va revenir à l'événement qui était juste avant. Al-aslu baqa ou makan ala makan. C'est que le principe, il dit que à la base, chaque chose reste, chaque état reste comme il était, inchangeable, jusqu'à la preuve pas mal évidente du contraire. Donc si quelqu'un doute, perdu son wudu, n'a pas perdu son wudu, 50-50%, on efface ça. C'est quoi l'événement antérieur? Ah, j'ai fait mon wudu. Tu as encore ton wudu. Maintenant, si on renverse la situation, quelqu'un n'a pas son wudu. Il s'est réveillé de son sommeil, ça fait 4 heures. Et c'était le matin, il n'y avait pas de salat ou autre chose. Ça fait partie de son habitude souvent de faire le wudu le matin. Mais aujourd'hui, il a le 50-50. Est-ce que j'ai fait le wudu ce matin en me réveillant ou je n'ai pas fait le wudu? Quelque chose me dit j'ai fait mon wudu, quelque chose me dit j'ai pas fait mon wudu. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le shak, il égale quoi? Zéro. Toute cette question ici, on va l'effacer. Qu'est-ce qui nous reste? L'événement antérieur, c'était quoi? Je dormais, de ce fait, je n'avais pas le wudu, je me suis réveillé, je n'avais pas le wudu. Et de ce fait, c'est quoi l'état? Pas de wudu, c'est clair. Quand il y a le shak, ici un doute, 50-50%, on va enlever ce doute et on revient à la situation, à l'état antérieur. On revient au yaqin, à la dernière certitude qu'on a eue. Dernière certitude que j'ai, c'est soit dans le premier cas que j'avais mon wudu, dans le deuxième exemple, c'est que je n'ai pas encore fait le wudu. Oui, tout à fait. Donc, quelqu'un dit, est-ce que j'ai fait salat al-dhuhr aujourd'hui ou je n'ai pas fait salat al-dhuhr? Je ne me rappelle plus. Ça peut arriver. Okay, pour des personnes d'un certain âge et tout, ça peut arriver parfois. Est-ce que j'ai fait salat al-dhuhr ou je n'ai pas fait salat al-dhuhr? La personne a du mal à se rappeler. Donc là, le doute, c'est quoi? Égal zéro. Cette question qui cause toute cette confusion, on va l'effacer de notre esprit complètement. Qu'est-ce qui reste? C'est que ma dhimma, elle est encore responsabilisée de devoir faire salat al-dhuhr. J'ai pas fait salat al-dhuhr jusqu'à la preuve évidente du contraire. La personne va devoir faire salat al-dhuhr. À ne pas confondre ça avec le fameux waswas. Des gens qui ont problème de waswas. Remet beaucoup de choses en question, sans évidence. Le waswas, très souvent, il est dans le petit dhan, dans le soupçon, dans le 10%. Je me rappelle pas mal bien avoir fait ma salat dhuhr. Mais est-ce que je l'ai vraiment fait salat dhuhr? Je l'ai fait, oui. Mais quelque chose dans ma tête me fait douter. Ce doute, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Parce que ça, c'est du doute qui est... Ça, c'est des waswas de shaitan. Tout comme on l'a dit tout à l'heure, le frère qui ne m'a pas dit « Salam alaikum », quand je commence à développer toute une histoire dans ma tête, ça c'est quoi? Waswas de shaitan. C'est du soupçon qui n'est pas fondé. C'est clair? طيب في قول الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Écoutez, ça aussi c'est très intéressant lorsque Allah عز وجل nous dit que ces gens-là, ils ne font que suivre le dhan et ce que les anfus, les nafs, les âmes ont la passion de suivre et de faire. Il nous dit أن الشبهة والشهوة هما الأصلان اللذان ذم الله من يتبعهما ويحكمهما على الوحي الذي بعث الله به أنبياءه ورسله فالظن الشبهة وما تهوى الأنفس الشهوة. Donc il dit ici que dans cette aya aussi, ça nous montre que les deux choses les plus graves qui égarent la personne, c'est quoi? Ça c'est très important. Okay, ce qu'on va mentionner maintenant. Ça, c'est des fondements, encore une fois, de la compréhension, d'interprétation, de la pensée. Que Van ici est représenté par la Shubha. Et Al-Hawa représenté par la Shahwa. Que ça, c'est les deux choses qui sont... les sources de naissance de tout égarement. Si on commence par le premier, shahwa, c'est quoi shahwa? C'est les tentations, les désirs. Il y a des êtres humains qui sont égarés à cause de leurs désirs, de leurs tentations. C'est la tentation qui égare. Parce que la tentation, c'est quoi? Suivre les tentations, ça veut dire suivre nos passions, les ahwa. J'ai le goût, je me sens bien, j'ai du plaisir à faire ça. Même si c'est mal, même si c'est faux. Il y a des gens qui sont égarés par le shaitan à cause de leur shahwa. Ils suivent le hawa. Et il y a des gens qui sont égarés par le shaitan à cause de la shubha. C'est quoi la shubha? Confusion. Quoi aussi? Ambiguïté, barakallahu fik, traduction meilleure, ambiguïté, c'est ça. Shubha, c'est tashtabihu alayka. Donc, comme ça arrive toujours, dans le masjid, tarawih, ramadan, tout le monde prend la même bouteille d'eau, la même marque, c'est distribué à l'entrée. Plein de monde laisse leur bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que, s'ils ne gardent pas l'œil sur leur bouteille d'eau, tashtabih, ça va avoir la même ressemblance que celle du voisin et celle de l'autre. Et de ce fait, ma bouteille d'eau, maintenant, confondue à 20 autres bouteilles d'eau, c'est ambigu. Shubha, ishtabaha alayhi al-amr. On dit ishtabaha alayhi. Laquelle, c'est ma bouteille. Donc là, la shubha, c'est lorsqu'il y a ambiguïté qui fait en sorte que la vérité, elle est perdue quelque part. On ne trouve pas la vérité. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas la vérité? Parce qu'elle est mêlée au faux, par exemple. Ou parce qu'il y a un manque de preuves. Donc, soit qu'elle est mêlée au faux, ça veut dire la vérité, elle est là, mais il y a beaucoup de faux qui l'entourent. Ou comme tu dis, il y a manque de preuves. C'est quoi manque de preuves? Ça veut dire manque, dans mon cœur, il y a manque de connaissance de c'est quoi la nature même de la vérité. De ce fait, je ne peux pas la distinguer. Donc, si on va prendre un exemple qui est différent des bouteilles d'eau. Remarquez, les bouteilles d'eau, en vérité, elles sont toutes les mêmes. C'est la vérité. Mais maintenant, si on prend des pièces comme ça, d'or, coins, des pièces d'or, mais qu'il y a une pièce d'or qui est véritable. Le reste, c'est du faux. Tout se ressemble. Tout brille de la même façon. La plupart des gens, parce qu'ils ne sont pas des experts, ne sauront pas distinguer et savoir où se trouve la vraie pièce d'or. C'est celui qui est as-sayrafi al-hadiq, celui qui s'y connaît dans le domaine, c'est lui qui va pouvoir, parce qu'il sait quels sont les éléments qui distinguent, quelles sont les preuves de la vraie pièce d'or. Vous comprenez? Donc là, on appelle ça une shubha. Donc shubha, c'est ce qui cause, on dit que shubha, c'est le doute, c'est pas le doute, shubha, c'est ce qui cause, c'est l'ambiguïté qui va causer le doute dans le cœur de la personne et que la personne sera perdue. Alors ici, la shubha, elle est représentée par le fait que ces gens-là, ils suivent le dhan. La shahwa, elle est représentée par le fait que les gens suivent le hawa. Remarquez que dans la vraie vie, dans la vraie nature humaine, c'est souvent les deux ensemble. Mais c'est juste que c'est l'une qui va l'emporter sur l'autre. C'est clair? Parce que le dhan, la shubha, va faire en sorte qu'il y a des gens pour sortir de la shubha, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller avec leur hawa. Comme on l'a dit tout à l'heure. Cher, je peux acheter une maison avec intérêt? Haram. Demandant à l'autre cher. Cher, je peux acheter une maison avec intérêt? Halal. Là, si quelqu'un n'a vraiment pas de connaissance, il se peut que la personne soit confondue. L'ambiguïté. Mais là, le hawa, il va vers quoi? Achetant la maison. Donc là, même dans les situations d'ambiguïté, il va avoir le hawa qui va intervenir pour pousser la personne vers ce qui te fait plus passion. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui me retient. Et de l'autre côté, comme on l'a dit tout à l'heure, parfois non, c'est la shahwa qui l'emporte. Quelqu'un veut vraiment le goût de faire quelque chose. Mais pour, encore une fois, pour contourner le sentiment de culpabilité ou autre chose, qu'est-ce qu'on fait? Trouvons une petite justification. Même si elle est faible, la justification, on va la jeter pour que je me sente bien dans ma tête, bien dans mon esprit, dans mon cœur, que je suis en train de faire de quelque chose de tout à fait normal. C'est clair? Alors il dit وَالْهُدَى الَّذِي جَاءَنَا مِنْ رَبِّنَا مُخَالِفٌ لِهَذَا وَلِهَذَا. Alors que la nature de la guidée qui vient d'Allah Azza wa Jal, elle est quoi? Contraire à ça et contraire à ça. La vérité qui vient d'Allah Azza wa Jal, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fondé sur الظن, c'est le yaqin, c'est la certitude. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Que dans le Coran, il n'y a aucun doute dans le Coran ou à propos de Al-Quran Karim. Et en même temps, la religion de l'islam, c'est pas la religion de suivre ses passions. On s'entend? La religion de l'islam, c'est pas une religion fondée sur le suivi des passions. C'est pas mal le contraire. وَنَهَا النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَمْنَةَ هِيَا الْمَأْوَى. L'islam n'est pas là pour comme dit Imam Shatibi et d'autres, que même l'un des principes de la charia, c'est quoi? C'est ikhraj an-nafs 'an da'iyati al-hawa, c'est de nous libérer de l'appel des passions. C'est ça, entre autres, parmi les objectifs généraux ou bien les lignes directrices de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَحْمِلُ الْإِنْسَانُ عَلَى اتِّبَاعِ الظَّنِّ الْمُخْطِئِ هُوَ هَوَاهُ. Écoutez, c'est comme on vient de donner dans l'exemple. Ici, le alim, il dit, l'un des savants, il dit que cette ayah aussi, elle nous démontre que ce qui pousse la majorité des gens à suivre leur dhann non fondé, c'est leur hawa. Donc toujours, comme on a dit sur l'exemple de celui qui va dire halal ou haram, et il va finir par suivre celui qui a dit halal. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait plus plaisir au cœur. Donc la majorité des gens qui disent que je suis perdu, mais il va finir par suivre quelque chose. Si tu te trompes, en d'autres termes, regardez, pour ne pas se tromper, pour être guidé, qu'est-ce qu'il faut corriger? Pour que le cœur puisse voir plus clair, qu'est-ce qu'il faut corriger? Certainement la connaissance. Donc la connaissance, c'est pour ne pas tomber dans Adhan. Très bien, très bon point. Donc pour sortir de Adhan, c'est le plus qu'on a de connaissance qu'on pourra reconnaître. Mais il y a aussi une autre chose. Pour plus proche, qu'est-ce qu'il faut corriger? Nafs, mais qu'est-ce qu'il faut corriger dans un nafs pour être, pour y voir clair la vérité? La niya, l'intention. Il faut corriger quoi? L'intention. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à suivre mes passions ou je cherche à suivre la vérité? Est-ce que je vais percevoir les choses de la même façon dans les deux cas? Non. Certainement non. Deux personnes avec les mêmes yeux, les mêmes sens, le même degré de connaissance ne vont pas voir la même chose dans la même situation, dépendamment de leurs intentions. Quelqu'un qui cherche la vérité et l'autre qui cherche ses passions ne vont pas arriver aux mêmes conclusions. Ce qui t'explique pourquoi est-ce que parfois quelqu'un, toujours les gens demandent cette question. Comment cette personne a tellement de connaissances mais arrive à des conclusions pareilles? Parce que ce n'est pas seulement une question de connaissances. C'est une question aussi d'intention, de ce qui est dans le cœur. يَبْرُونَهَا عِوَجَا comme Allah Azza wa Jal il dit. Si moi déjà à l'intérieur je veux dévier, ça, c'est ça l'intention, je veux dévier, je ne vais pas voir la situation sous sa forme réel. On peut voir ça aussi dans le cadre des relations. Ça, c'est mon frère en islam. Pour une raison ou pour une autre, maintenant, j'ai un problème avec lui. Et moi, dans mon cœur, maintenant, j'ai une haine envers lui. Est-ce que je vais le percevoir et interpréter ses paroles et ses actions comme si je n'avais pas cette haine? Non, si moi je lui veux du mal maintenant, j'ai une haine envers lui, ses paroles, ses actions, ses initiatives, même son sourire, je vais l'interpréter de façon différente. Parce que je cherche juste à saisir une opportunité. Même son sourire, je vais le traiter de quoi? Sourire hypocrite ou sourire méchant ou je sais pas quoi, vous comprenez? Parce que l'intention dans le cœur n'est pas saine, n'est pas bonne. أن من شاء الباطل هو من نقص العلم أو سوء القصد. Donc ça résume ces ayats-là. Regardez ici comment est-ce qu'encore une fois le Coran met quoi comme sourate An-Najm. Ça nous établit les bases de toutes choses, incluant les bases de la pensée. Comment l'être humain il pense, comment il arrive à ses conclusions, autre chose. C'est ça les fondements. Alors il dit ici que cette ayat-là, elle nous explique que la source de l'égarement, c'est soit le manque de connaissances qui ouvre grandement la porte à Shubha ou sous ou le qasd, les mauvaises intentions, comme on a dit, même si dans la vraie vie, ça ne se distingue pas nécessairement. Il y a un qui l'emporte sur l'autre, mais les deux en général sont présents. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, إِيَّتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. Là, regardez. Ils ne suivent que le dhan. Et si le style commence à changer dans le Coran ici, dans cette sourate, au début, Allah Azza wa Jal, il s'adresse aux mouchriquins. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Jusqu'à maintenant, Allah Ta'ala, il s'adresse aux mouchriquins. Maintenant, dans la même ayah, tout de suite, au milieu de la ayah, le style, il change. Allah Ta'ala, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants en disant que ils, au pluriel, les autres, les mouchriquins, ils ne font que suivre quoi? Le dhan. Alors remarquez, si tu es en train de réciter ces ayats, tu as des gens qui sont devant toi, tu as des mouchriquins devant toi, après ça tu as des croyants devant toi. Tu vas t'adresser aux mouchriquins, tu vas dire afara'aytum al-lat wal-uzza manat thalith, vos divinités. Après ça tu vas leur donner ton dos et tu vas tourner vers les croyants en leur disant ayyattabi'una illa al-dhan. Ils ne font que suivre leur dhan et leur passion. On appelle ça le style ici de al-iltifat min durubi al-iltifat. Donc tout ça ici c'est la science de la balagha de al-Qur'an. La balagha c'est l'éloquence, c'est la science de l'éloquence ou la rhétorique en quelque sorte. Donc il y a des ulama qui sont spécialisés juste dans ce domaine, oui. Oui, طيب. Je vais revenir sur ce point. Je vais juste terminer ça, inshallah. Donc, l'iltifat ici. تَحْقِيرًا لَهُمْ وَلِلْإِذَانِ بِأَنَّ تِعْدَادَ قَبَائِحِهِمْ اِقْتَضَى الْإِعْرَادَ عَنْهُمْ تَحْقِيرًا لِشَأْنِهِمْ وَحِكَايَةِ جِنَايَاتِهِمْ لِغَيْرِهِمْ. De un, pourquoi est-ce qu'il y a l'iltifat ici? C'est pour ne pas leur donner d'importance. تَحْقِيرًا لَهُمْ. Tu dis à quelqu'un, toi ce que tu fais telle et telle et telle et telle chose, et tu sais qu'il n'a même pas de réponse à ça, c'est trop grave ce qu'il fait. Après ça, tu tournes, tu lui donnes ton dos, tu dis, vous voyez l'autre comment il est? Ça c'est quoi? Tahqiran, pour le rabaisser. Allah Azza wa Jal, il les rabaisse par ce style-là de l'iltifat. Et aussi que, il y a tellement de mauvaises choses, de mauvaises croyances, du n'importe quoi que vous dites, que c'est le temps maintenant de parler de vous à d'autres, de décrire votre situation à d'autres. C'est clair? Ta question arrive pour ce qui est de « فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هِلَاهُ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. » Allah Azza wa Jalla nous parle de celui qui a fait, qui a pris son hawa comme une divinité. Alors, le frère, il dit, est-ce que c'est une forme de shirk? Oui, ça peut être une forme de shirk asra, parfois. Ça peut être une forme de shirk akbar, dépendamment de sa mène. Vers quoi? Si la personne, comme les kafirines, les mouchriquines, ils ne suivent, comme Allah Ta'ala il dit, ils ne suivent que leur hawa. Ils donnent au hawa le statut de référence pas mal absolue. Comme les ulama, ils disent, « هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه » C'est qui celui dont Allah Ta'ala il décrit que lui, il a fait de son hawa une divinité? C'est celui qui, à chaque fois qu'il a la passion de faire quelque chose, il va la faire. Il n'y a rien qui le retient. S'il y a quelqu'un qui est comme ça, c'est certain qu'il est quoi? Au sens absolu de la chose, la personne, elle est quoi ici? Mouchrik, kafir. Il n'y a pas un croyant, il y a un vrai musulman, même un musulman qui est quoi? Faible dans son iman, qui n'a pas de restrictions du tout. Que toutes les portes sont ouvertes. Tout ce que j'ai le goût de faire, je vais le faire. Il n'y a rien qui me retient. Ça veut dire, moi, je n'adhère pas aucunement à l'islam. Je ne peux pas être décrit comme un musulman. Soumis à Allah Azza wa Jalla. Je ne suis pas soumis à une personne comme ça. Yad billah, c'est un rebelle contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas en la sharia. Ce n'est pas quelqu'un qui adhère en la sharia. Est-ce que c'est clair le sens ici? Il n'y a pas un croyant, il n'y a pas un vrai mu'min dans le monde qui n'a pas du tout de limite. y a quelqu'un qui est fasiq, désobéissant, il enfreint telle limite, mais vous allez toujours trouver que quoi, il a d'autres choses, il dit « Astaghfirullah, ça je ne peux pas faire ça ». Mais si quelqu'un, tout ce qu'il a le goût de le faire, il le fait. Tout ce qu'il est passionné à faire, il va le faire. Il n'y a pas de haram, il n'y a pas de... Ça ne vient que d'un kafir. C'est clair? Donc là, ça serait un shirk al-akbar. Est-ce que c'est clair? Oui, tout à fait. Comme on a dit, il y a toujours l'un qui... Dans la vraie vie, les ulama, lorsqu'ils classifient, ils donnent ces deux classifications, c'est pour nous expliquer le concept de chacun. Mais dans la vraie nature humaine, il y a toujours l'un qui alimente l'autre. Même s'il y a toujours l'un qui l'emporte sur l'autre, il y a toujours quelqu'un qui est une personne de... Regardez. Il y a des gens, lorsque tu vas le voir, il est sur un égarement. Mais lorsque tu vois cette personne, tu dis ça, c'est une personne de shahawat, de tentation. Trois fois par semaine, il va au bar, il va au festival, danse, mange l'argent, le dépense, n'est-ce pas, haram, peu importe. Ça, c'est tout de suite, ça te donne une personne, l'idée d'une personne qui est dans les passions, dans les hawa. Tu as une autre personne, non, fais pas ça. Tu peux être un prof, un professeur d'université, très discipliné et tout, passe de longues heures à lire des livres et à écrire, penser, en train de réfléchir, la pensée. Mais la personne, elle est égarée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le dhan. Elle croit en du n'importe quoi. La philosophie, telle chose. Ce n'est pas quelqu'un qui suit les shahawats. Non. Parfois, c'est quelqu'un de très discipliné, qui sacrifie beaucoup de tentations. Peut-être qu'il ne mange pas toute la journée juste pour aller lire des livres et pour faire des recherches et ainsi de suite. Mais cette personne-là, elle est quoi? Dans le dhan. Mais comme tu as dit, ça s'alimente de façon mutuelle. Oui, Harry. Très très bonne question ici. Les ulama, ils parlent de cette personne-là, celui qui va entrer au paradis même avec quoi? Dharratun min iman, avec le peu de iman, graines de iman comme ça dans son cœur. C'est pas comme les gens ils comprennent, ça veut dire quelqu'un dans son cœur, il avait juste la ilaha illallah et il n'a rien fait. Okay? Toujours ces textes-là, parce que là, ça va donner naissance, c'est ça ce qui va pousser vers la croyance de l'irja, que l'iman c'est dans le cœur, ça c'est faux, ça c'est contraire évidemment au Coran et à As-Sunnah. Donc un texte pareil, on va le comprendre par les muhkamat de l'islam, par les principes de l'iman et de l'islam. Donc certains ulama, ils disent, oui mais cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas d'amal, n'avait pas du tout de bonnes œuvres. Elle avait des bonnes œuvres, elle avait salat un peu, mais c'était quelqu'un de très désobéissant, mais un peu de iman, un peu de retenue dans son cœur. D'autres ulama, ils disent que ça, c'est des gens qui sont comparables aux gens de Ahlu al-Fatra. Ahlu al-Fatra, c'est les gens qui étaient entre deux prophètes. Il n'y avait pas de message. Et ce mode-là va, en quelque sorte, se répéter vers la fin des temps. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé que vers la fin des temps, il va rester des gens qui ne connaissent de l'islam que Allah, Allah, connaissent ni salat, ni siyam, ni rien. L'islam va disparaître graduellement. Les derniers qui vont rester vers la fin des temps, il va y avoir des gens qui... Et Allah, Allah, tanfa'uhum, yawman mina ad-dahr. Donc certains ulama, ils ont dit que ça fait référence à des personnes comme ça, qui sont sur le tawhid, mais qui n'avaient pas accès à la révélation, à la wahi. Connaissent pas c'est quoi les bonnes œuvres, c'est quoi haram, c'est quoi les limites d'Allah Azza wa Jal, connaissent rien du tout. Comme quelqu'un, si on imagine qu'il y a quelqu'un quelque part dans ce monde qui n'a pas accès à l'information, n'a pas accès aux ulama, n'a pas accès, comment dire, à la civilisation, ni rien du tout. Et il a le iman dans son cœur, le tawhid. Lui, ajiz, peut pas faire des bonnes œuvres parce qu'il n'a pas la connaissance comment faire. C'est clair? Donc c'est de ça que ça parle. Ça ne parle pas de quelqu'un qui dans son cœur il avait Allah, mais se permettait de faire ce qu'il veut, volontairement. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui entre le Jannah en ayant la capacité, la connaissance de faire les bonnes œuvres et qui ne fait rien du tout, ça ce n'est pas le iman. C'est clair? Allahu a'lam. Ou bien on va laisser ça pour la prochaine séance, inshallah. Sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.